Chapitre 8e. En bonne fortune. Monsieur le Noël connaissait trop Naples pour avoir un café de prédilection. Il se laissa donc guider. « Mon cher ami, dit le sculpteur à Carlo, le paysagiste, j'ai une petite course à faire, 10 minutes à peine. Je saute en voiture et je vous rejoins sur le port chez Fontana où les sorbets sont exquis. » Et il laissa Monsieur le Noël avec le paysagiste, chose assez singulière. Il donna pour adresse au cocher chez Fontana. Pourquoi donc voulait-il précéder Monsieur le Noël dans cet établissement? Le sculpteur sauta rapidement de la voiture quand il fut devant le café. Il est là. « Antonio !» Un garçon accourut. « Mon ami, lui dit le sculpteur à voix basse, il fait jour la nuit, n'est-ce pas? Quand les allumettes flambent ? » dit le garçon qui devint pâle tout à coup. En italien, les allumettes s'appellent des fulminante. Et le cocher, clignant de l'œil, laissa le sculpteur au milieu de la chaussée. « Je crois qu'il y aura des lueurs cette nuit dans la montagne. Les allumettes flambent, dit tout bas le cocher. » Et il fouetta ses deux chevaux qui partirent au galop. Le sculpteur revint ensuite au café. Il trouva Monsieur le Noël et le paysagiste qui avaient déjà commencé une partie d'échecs. Devant Monsieur le Noël se trouvait une tasse de café demi-vide. Voyant Monsieur le Noël plongé dans les méditations de son jeu, le sculpteur se mit à dessiner sur son album des croquis de matelots et de femmes du peuple. À vrai dire, il montrait un rare talent dans ses esquisses. Une bonne demi-heure se passa, à la fin de laquelle Monsieur le Noël, tout joyeux, put enfin s'écrier « Mat, vous avez perdu, cher monsieur. Revanche, demanda le paysagiste. Dans un instant, si vous voulez, dit Monsieur le Noël en se frottant le front, je suis alourdi. Vous avez bu un verre de Marsala de trop, le café va dissiper cela. Je vous assure que je n'ai pas vidé mon verre sans avoir mouillé mon vin. » Regardant le carnet du sculpteur, « Oh, que c'est joli! Quelle ravissante petite femme !» Le sculpteur lui tendit le carnet. Monsieur le Noël feuilleta l'album, et il poussa bientôt de petites exclamations joyeuses. Il voyait des faunes et des satyres se livrer à des poursuites amusantes contre des bacchantes et des nymphes. Il y avait des chutes si charmantes et si élégantes, des baisers si bien donnés, si bien reçus, des enlacements si gracieux et si savants, que Monsieur le Noël s'allumait à vue d'œil au feu dangereux de la luxure. En ce moment, il se fit quelques rumeurs, et Monsieur le Noël, levant la tête, dit « Dieu la jolie bouquetière !»« Eh ! » dit le paysagiste, « c'est la Zinzinetta !»« La belle !» lui cria le sculpteur, « venez par ici, si vous voulez voir flamber comme une allumette. Venez, ma chère, nous offrir une fleur !» La Zinzinetta était une admirable fillette de 16 ans au teint mat, lisse comme le plus fin satin, aux yeux noirs et fendus de façon à simuler un arc légèrement tendu. Des yeux si grands, si beaux, si étranges, que l'on ne voyait d'abord que dans le visage. La Zinzinetta était petite, mais faite à rendre jalouses les statues des palais de Naples et les nymphes de marbre perdues dans les parcs au milieu des bouquets. Inutile de parler des pieds, ces méridionales chaussent des souliers d'enfants et leurs mains gantent des numéros dans lesquels les doigts de nos premières communiantes n'entreraient pas. Avec tout cela, Zinzinetta avait encore le prestige de la voix, elle zézayait l'italien avec le timbre d'une fauvette et soulignait ses mots de petits airs de tête mutine et de choses fort coquettes. Aussi était-ce une femme irrésistible. À peine eut-elle entendu parler de Fulminante qu'elle devina que c'était Monsieur le Noël, et elle s'assit devant lui. Monsieur le Noël pâlit puis rougit. Le regard de la Zinzinetta produisait déjà sur lui l'impression accoutumée. « Eh, petite, lui dit le sculpteur, tu ne nous offres donc pas de fleurs. »« À vous, ce laurier, dit-elle, j'ai joint une immortelle et je vous salue, vous qui savez parler et agir comme on le doit et comme il faut. » Et au paysagiste, à vous la violette et le bleuet. Elle allait donner un petit bouquet banal à Monsieur le Noël, mais elle s'arrêta. « Tout à l'heure, fit-elle. » Monsieur le Noël conçut d'ardentes espérances. « Ma petite, lui dit-il, voulez-vous prendre un sorbet avec nous ?»« Oui. » dit-elle, j'ai à vous questionner. Monsieur le Noël commanda un sorbet. La Zinzinetta le goûta délicatement, réfléchit, regarda longuement Monsieur le Noël et dit « Vous devez être bon, vous. » « Oh, dit Monsieur le Noël, je suis une excellente pâte d'homme, un peu jaloux, voilà tout. On est jaloux quand on aime. Que venez-vous faire en Italie? Je voyage pour mon plaisir, et si Naples me plaisait, je m'y fixerais. Ah, vraiment, dit-elle, vous resteriez ici? Que faudra-t-il donc pour que notre ville vous plût? Que vous m'aimiez, Zinzinetta. dit avec une grande simplicité Monsieur le Noël. La jeune fille sourit, et de sa voix de cristal, « Du champagne !» dit-elle. Le sculpteur et le paysagiste battirent des mains joyeusement. Pour ceux qui étaient dans le secret, c'était un hommage à l'artiste. La Zinzinetta avait joué son rôle en grande comédienne. Monsieur le Noël, lui, crut un simple accès de gaieté de ses compagnons. Il était chauffé à blanc. La Zinzinetta décoiffa elle-même le champagne et on versa la liqueur d'or dans les coups. « À nos amours !» dit-elle en tendant son verre. « À nos amours, si tu es un brave homme !» Et elle enivra Monsieur le Noël d'un long regard. « À nos plaisirs !» dirent les deux artistes en trinquant. « Monsieur le Noël, que nous avions vous dit, messieurs, je vous porte dans mon cœur. » Et Monsieur le Noël vida sa coupe d'un trait. La Zinzinetta le poussa avec des mines charmantes et le champagne coula pendant plus de 2 heures à large flot, mettant Monsieur le Noël en rutilante humeur. Peu à peu même, il sentit sa tête s'embarrasser. Il avait sans doute montré un charmant caractère, car la Zinzinetta vint se placer à côté de lui. Elle le regarda longuement, et cette fois, avec un air de pitié indéfinissable, elle lui dit enfin « Tu avais raison, je t'aime. » Elle prit une rose parmi ses fleurs et la lui présenta en souriant d'un air triste. Monsieur le Noël était trop gris pour s'apercevoir de ses nuances. « Merci, » dit-il en suffoquant. Il mit triomphalement la rose à sa boutonnière. « Emmène-moi maintenant, » dit la Zinzinetta. « Je veux dîner avec toi chez Coulomerlo. » Monsieur le Noël maudit les fumées du vin, car il sentait bien qu'une ivresse combattait l'autre. « Je suis honteux, » balbutia-t-il. « Je devrais vous dire des choses charmantes et je n'en trouve pas. » « Ceci te reviendra à dîner. Commande une voiture. » Monsieur le Noël appela le garçon et commença, en bourgeois sérieux qu'il était, et faisant bien les choses, par mettre sur la table un billet de 500 francs. « Payez-vous, » dit-il. « En rapportant la monnaie, vous me donnerez un verre d'eau frappée. Commandez aussi une voiture. » Le garçon n'avait pas grand-peine à en trouver une. Le cocher qui était l'oncle de Zinzinetta attendait à la porte. Lorsque Monsieur le Noël eut ramassé sa monnaie, il se leva. Un peu chancelant. Toutefois, il se raffermit sur ses jambes, offrit son bras à la Zinzinetta, serra la main de ses compagnons et sortit fier comme un roi qui vient de remporter un beau triomphe.